Section 123 des Mille et une nuits, tome 3e, 13e partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. 13e partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. La princesse, en laissant le salon à part, mena le sultan d'appartement en appartement, et le sultan, après avoir considéré chaque pièce avec attention et les avoir admirées par leur diversité, « Ma belle, dit-il à la princesse Parisade, appelez-vous ceci une maison de campagne? Les villes les plus belles et les plus grandes seraient bientôt désertes si toutes les maisons de campagne ressemblaient à la vôtre. Je ne m'étonne plus que vous vous y plaisiez si fort et que vous méprisiez la ville. » Faites-moi voir aussi le jardin, je m'attends bien qu'il correspond à la maison. » La princesse ouvrit une porte qui donnait sur le jardin, et ce qui frappa d'abord les yeux du sultan fut la gerbe d'eau jaune couleur d'or. Surpris par un spectacle si nouveau pour lui, et après l'avoir regardé un moment avec admiration, « D'où vient cette eau merveilleuse, dit-il, qui fait tant de plaisir à voir? Où en est la source, et par quel art en a-t-on fait un jet si extraordinaire et auquel je ne crois pas qu'il y ait rien de pareil au monde. Je veux voir cette merveille de près. » Et en disant ces paroles, il avança. La princesse continua de le conduire et elle le mena vers l'endroit où l'arbre harmonieux était planté. En approchant, le sultan, qui entendit un concert tout différent de ce qu'il eût jamais entendu, s'arrêta et chercha des yeux où étaient les musiciens. Et comme il n'en vit aucun, ni près ni loin, et que cependant il entendait assez distinctement le concert dont il était charmé, « Ma belle, dit-il en s'adressant à la princesse Parisade, où sont les musiciens que j'entends ? Sont-ils sous terre ? Sont-ils invisibles dans l'air ? Avec des voix si excellentes et si charmantes, ils ne hasarderaient rien de se laisser voir. Au contraire, ils feraient plaisir. » « Si, répondit la princesse en souriant, ce ne sont pas des musiciens qui forment le concert que vous entendez, c'est l'arbre que votre majesté voit devant elle qui le rend. Et si elle veut se donner la peine d'avancer 4 pas, elle n'en doutera pas, et les voix lui seront plus distinctes. » Le sultan s'avança et il fut si charmé de la douce harmonie du concert qu'il ne se laissait pas de l'entendre. À la fin, il se souvint qu'il avait à voir l'eau jaune de près. Ainsi, en rompant son silence, « Ma belle, demanda-t-il à la princesse, dites-moi, je vous prie, cet arbre admirable se trouve-t-il par hasard dans votre jardin? Est-ce un présent que l'on vous a fait, ou l'avez-vous fait venir de quelque pays éloigné? Il faut qu'il vienne de bien loin, autrement, curieux des raretés de la nature comme je le suis, j'en aurais entendu parler. De quel nom l'appelez-vous? » « Si, répondit la princesse, cet arbre n'a pas d'autre nom que celui d'arbre qui chante, et il n'en croit pas dans le pays. Il serait trop long de raconter par quelle aventure il se trouve ici. C'est une histoire qui a rapport avec l'eau jaune et avec l'oiseau qui parle, qui nous est venue en même temps, et que votre majesté pourra voir après qu'elle aura vu l'eau jaune d'aussi près qu'elle le souhaite. Si elle l'a pour agréable, j'aurai l'honneur de la lui raconter quand elle se sera reposée et remise de la fatigue de la chasse, à laquelle elle en ajoute une nouvelle par la peine qu'elle se donne à la grande ardeur du soleil. » « Ma belle, reprit le sultan, je ne m'aperçois pas de la peine que vous dites, tant elle est bien récompensée par les choses merveilleuses que vous me faites voir. Dites plutôt que je ne songe pas à celle que je vous donne. Achevons donc et voyons l'eau jaune. Je meurs déjà d'envie de voir et d'admirer l'oiseau qui parle. » Quand le sultan fut arrivé au jet d'eau jaune, il eut longtemps les yeux attachés sur la gerbe, qui ne cessait de faire un effet merveilleux en s'élevant en l'air et en retombant dans le bassin. « Selon vous, ma belle, dit-il en s'adressant toujours à la princesse, cette eau n'a pas de source, et elle ne vient d'aucun endroit aux environs par un conduit amené sous terre. Au moins je comprends qu'elle est étrangère, de même que l'arbre qui chante. » « Si, reprit la princesse, la chose est comme votre majesté le dit, et pour marque que l'eau ne vient pas d'ailleurs, c'est que le bassin est d'une seule pièce, et qu'ainsi elle ne peut venir ni par les côtés ni par-dessous. Et ce qui doit rendre l'eau plus admirable à votre majesté, c'est que je n'en ai jeté qu'un flacon dans le bassin et qu'elle a foissonné comme elle le voit. » Par une propriété qui lui est particulière, le sultan, enfin, en s'éloignant du bassin, « En voilà, dit-il, assez pour la première fois, car je me promets bien de revenir souvent. Menez-moi que je voie l'oiseau qui parle. » En approchant du salon, le sultan aperçut sur les arbres un nombre prodigieux d'oiseaux qui remplissaient l'air chacun de son chant et de son ramage. Il demanda pourquoi ils étaient là assemblés plutôt que sur les autres arbres du jardin, où il n'en avait vu ni entendu chanter. « Sire, répondit la princesse, c'est qu'ils viennent tous des environs pour accompagner le chant de l'oiseau qui parle. Votre majesté peut l'apercevoir dans la cage qui est posée sur une des fenêtres du salon où elle va entrer. Et si elle y fait attention, elle s'apercevra qu'il a le chant éclatant au-dessus de celui de tous les autres oiseaux, même du rossignol, qui n'en approche que de bien loin. » Le sultan entra dans le salon, et comme l'oiseau continuait son chant, « Mon esclave, dit la princesse en élevant la voix, voilà le sultan, faites-lui votre compliment. » L'oiseau cessa de chanter dans le moment, et tous les autres oiseaux cessèrent de même. « Que le sultan, dit-il, soit le très bienvenu, que Dieu le comble des prospérités et prolonge le nombre de ses années. » Comme le repas était servi sur le sofa près de la fenêtre où était l'oiseau, le sultan, en se mettant à table, « Oiseau, dit-il, je te remercie de ton compliment, et je suis ravi de voir en toi le sultan et le roi des oiseaux. » Fin de la 13e partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette, section 123.